À l'occasion du 63e anniversaire de la grande victoire dans la guerre de libération de la patrie, les rendez-vous des jeunes étudiants et travailleurs agricoles de la ville de Pyongyang avec des héros de la République ont eu lieu respectivement le 25 juillet au palais central de la jeunesse et à la ferme coopérative de Changyo de l'arrondissement de Gangnam. Y ont pris part les cadres intéressés, les permanents de l'Union de la jeunesse et de l'Union des travailleurs agricoles, les jeunes étudiants, les agriculteurs et les membres de l'Union des travailleurs agricoles. Les orateurs ont exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung accomplis pour la victoire dans la guerre.